Tu parles à tout le peuple assemblé, tu dis écoutez-moi, tu appelles chacun à marcher dans le chemin de ta loi. Tu dis je suis l'Éternel, celui qui vous a libérés. Marchez dans ma lumière, vivez dans ma vérité. Ce n'est pas un poids que tu poses, c'est une alliance que tu offres. Un chemin vivant, un cœur qui s'ouvre. Vous serez saints, car je suis saint. Vous serez lumière dans le matin. Vous serez saints, car je suis saint. Marchez dans mes voies. Ne trahis pas, trahis pas, ne profane pas mon nom, mon nom. Car chaque parole que l'homme sème dessine sa maison. Tu veux un peuple debout, non écrasé par la peur, mais vivant dans l'amour, dans la justice du cœur. Qui apprend à aimer. Ce n'est pas seulement des paroles, c'est un souffle dans nos pas. Tu écris ta sainteté dans chacun.